Yeah. Ouais, tranquille, la cousine, on fait ça. Appelle lundi, on remet ça. J'avais pas vu tous tes messages. En plus, hier, j'étais en Espagne. Ça sent la belle à Polyakov. Je l'écoutais, elle était bof. J'avais une tête de foule sur la toffe. Dans les bouches du Run, c'est Call-off. Y'a tout ce qu'il faut, on a pris la loque. J'suis toujours dans la vie d'Aloc. J'm'en balèque de la vie de l'autre. On se fie qu'à la vie des nôtres. J'me taille de là. Ça y est, c'est bon. J'ai des liens sous le matelas. J'suis toujours au charbon. Te gare pas là. C'est le charbon. Y'a les cons des criara. Hamdou, on a fait bon. J'me taille de là. Ça y est, c'est bon. J'ai des liens sous le matelas. J'suis toujours au charbon. Tu m'as pas dit c'est les mains partant. Wesh le cous, pourquoi tu m'arrondes? Oasis, fraise et flash de polia. Le matin je croise Veolia. Ça crie à rapport les volets. Mariage en 4-5-8 d'Italia. Des fois je suis pas là. Je suis avec Kiko et Kali. Fais tourner la bulle, on se balade. On rejoint Nono et Raïs. Je me taille de là. Ça y est c'est bon. J'ai des liens sous le matelas. Je suis toujours au charbon. Te gare pas là. C'est le charbon. Y'a les cons des criara. Hamdou, on a fait bon. J'me taille de là. Ça y est, c'est bon. J'ai des liens sous le matelas. J'suis toujours au charbon. Te gare pas là. C'est le charbon. Si y'a les cons des criara. Hamdou, on a fait bon, bon, bon. Que je la regarde, elle me pique, pique. Quatre anneaux noirs, grosse musique, zi. Tu le sais, la nuit c'est cramé. Mais j'fais des mauvais dés sous amnés. Mais puis j'la regarde, elle me pique, pique. Quatre anneaux noirs, grosse musique, zi. Tu le sais, la nuit c'est cramé. Hamdou, on a fait bon. J'me taille de là.